Mille excuses, mille pardons, ni l'amour ni le baiser, iront en pourrissant dans les bras de Morphée. Damselles, quelles images iront batifoler les regards aux yeux gris de ces mille ans à venir. Irions-nous en dansant au palais enivrant, regarder ces étoiles et s'enfuir en riant. Aurions-nous le temps de saisir ces déhanchés, se tordant en souriant. Je fais mille excuses, il va falloir mille ans. Il va falloir mille ans. Il va falloir mille ans. Il va falloir mille ans. Aurions-nous décompté ou s'embrasser les mariniers, forcer les horlogers à poussiérer leurs sabliers, à l'aise dans le malaise, le temps de s'écouler. Ces mille années qui lentement vont passer, et moi avec mes besognes, mon baluchon, je suis allé saisir les déhanchés de dames et de Morphée en édictant de belles images de ciel étoilé. Mille excuses, mille pardons, il va falloir mille ans. Il va falloir mille ans. Il va falloir mille ans. Il va falloir mille ans.